Fleurs de cyclamène, par André Theuriet. Connaissez-vous ta Loire? Si votre bon génie vous a conduit à Annecy, et si vous avez fait le tour du lac, vous aurez certainement remarqué le recoin vert et silencieux où ce village sommeille au pied des montagnes. Le roc de Cher, qui dressait jusqu'au milieu du lac son promontoire brisé et crevassé, enferme dans une encoignure et protège du vent du nord les 5 ou 6 villas, les 30 maisons et l'ancienne abbaye transformée en hôtel qui compose toute la Loire. Le village s'éparpille parmi des vignobles en pente et à l'abri des noyers. Derrière s'élève une première croupe de montagnes couverte de hêtres et de chênes, puis, au-dessus d'un replat, où ondulent des champs de seigle et d'avoine, les pâturages et les forêts de sapins, tapissent de leur verdure sombre ou claire les arêtes escarpées, au sommet desquelles le lanfon et la tournette découpent sur le ciel leurs dents et leurs pitons dorés de soleil. Au bas, le lac étend son eau bleue et lisse où fuient quelques barques à voiles triangulaires. Dans ce miroir d'azur, les peupliers des berges, les pentes ardues et les cimes crénelées de la rive opposée se reflètent doucement. La lumière, tamisée par de beaux nuages, colore magistralement le cirque des montagnes qui enserrent le bout du lac. Le vert foncé, le bleu sombre, le violet intense, le gris argenté s'y fondent par d'insensibles transitions avec le bleu turquoise de l'eau et le vert phosphorescent des vignes. Sur ce paysage à la fois grandiose et intime, plane une paix profonde, interrompue seulement par de claires sonneries de cloches villageoises, des gazouillements d'oiseaux et le passage d'un char lentement traîné par des bœufs. C'est là qu'il faut venir savourer la joie des amours heureuses, et c'est là encore qu'il faut se réfugier si l'on a une grande douleur à endormir. Les odeurs de menthe et d'herbes fauchées qu'apporte le vent de la montagne vous enveloppent d'une tendre caresse, en même temps qu'ils apaisent la tristesse des souvenirs amers et qu'elles cicatrisent comme un baume les blessures morales. L'autre jour, j'ai rencontré sur le chemin de la Tournette 3 touristes qui en descendaient, l'alpenstock en main, le sac au dos et le chapeau fleuri d'un bouquet de cyclamen. Ils étaient lestes, fringants et jeunes, le plus âgé ayant 25 ans à peine. Je les ai regardés passer d'un œil attendri, et au spectacle de leur jeunesse allègre, tous les souvenirs de la 20e année me sont remontés au cerveau. Je me suis revu descendant gaiement le même chemin, avec des fleurs au chapeau, en compagnie de 2 joyeux camarades, et de même que les cimes des montagnes se reflétant dans le lac, le souvenir du temps jadis s'est étendu devant mes yeux, comme un mirage, avec ses formes précises, ses couleurs, ses parfums et ses enthousiasmes d'autrefois. C'était un soir d'il y a 25 ans, dans ce même village où nous devions passer la nuit après une course de sommet. À peine nous étions-nous engagés dans la magnifique avenue de marronniers qui précède l'abbaye, que nous vîmes se lever d'un banc et marcher lentement devant nous, sous la verdure, une belle jeune fille dans toute la splendeur et la gloire de ses 18 ans. Blanche, admirablement faite, elle avait d'épais cheveux blonds qui tombaient librement en boucles sur ses épaules de déesse. Sa jupe claire à longs plis, balayant l'herbe de sa traîne, dessinait à souhait la souplesse de la taille et la rondeur des hanches. Sa démarche était superbe, et quand, au murmure de nos voix admiratives, elle se retourna, nous vîmes un fin profil de patricienne, aux lèvres rouges et dédaigneuses, au nez légèrement retroussé, aux yeux purs et fiers. Nous avions pris feu tous 3 en même temps, et oublieux des fatigues de la journée, nous la suivions à distance, le long d'un sentier qui serpentait entre les vignes. À un certain carrefour, elle poussa une porte voilée de chèvrefeuilles et disparut. De retour à l'abbaye, et la tête encore pleine de notre merveilleuse rencontre, nous questionnâmes les gens de l'hôtel. La jeune fille s'appelait la princesse V. Elle était russe, et habitait avec sa famille une des villas situées au bord du lac. Russe, princesse et jolie, il y avait de quoi faire flamber notre imagination, et pendant tout le dîner, nous ne parlâmes que de sa beauté. Pourtant, au dessert, la fatigue et le vin de Taloire aidant, mes 2 compagnons s'étaient sentis peu à peu alourdis, leur verbe avait tari, et ils montèrent se coucher. Quant à moi, je n'avais nulle envie de dormir, et je sortis dans l'espoir de revoir encore l'aristocratique et blanche apparition de l'après-midi. La soirée était exquise. Du côté d'Annecy, le soleil venait de disparaître dans une gloire de nuées purpurines. Derrière les escarpements de la Tournette, la pleine lune se levait et effleurait les sombres pentes veloutées de la montagne d'un premier rayon qui trouait comme une flèche les brumes des ravins. De tous côtés, dans la campagne assoupie, montaient des cris de grillons, mêlés aux notes claires des ranettes. À mes pieds, l'eau du lac, encore glacée de lilas foncé, clapotait mollement. Je suivais la marge d'un petit pré dont l'eau rongeait les bords, et tout en cheminant les yeux en l'air, je rêvais d'une nouvelle rencontre possible avec la jeune Russe. J'inventais de romanesques incidents qui nous mettraient en communication. J'engageais une conversation imaginaire où je disais des choses très spirituelles et très éloquentes. Tandis que je bâtissais mes châteaux en Espagne, j'entendis sous la ramure d'un saule le bruit métallique d'une chaîne de bateaux qu'on secoue, et tout à coup, à 5 pas, je vis s'agiter une forme blanche. C'était la princesse. Elle essayait de dénouer la chaîne qui amarrait le bateau à un pieu solidement enfoncé dans la berge. Mais elle n'y pouvait parvenir. Ses petits doigts se meurtrissaient en vain contre les chaînons rouillés qui formaient le nœud. Elle frappait du pied le sol du talus avec impatience, l'irritation allumait ses prunelles, et ses lèvres d'enfant, plissées et boudeuses, laissaient passer des exclamations dépitées. « Dieu que c'est agaçant !» s'écria-t-elle. « Permettez !» dis-je en m'avançant brusquement. Et m'agenouillant, je dénouais la mare, non sans m'être notablement endommagé les ongles. Elle avait déjà sauté dans le bateau et m'examinait de la tête aux pieds. Je venais de passer 8 jours dans la montagne, marchant par tous les temps, couchant sur le foin des chalets, et ma toilette était fort négligée. Barbe trop longue et mal peignée, feutre recroquevillé, vêtements fripés, guêtres terreuses. Elle me prit évidemment pour le batelier. « Merci, » murmura-t-elle d'un ton bref. « Maintenant, conduisez-moi jusqu'à Duin, voulez-vous ? » ? « Avec le plus grand plaisir, » répondis-je, le cœur tout battant d'aise. Je m'élançai à mon tour et, d'un coup d'aviron poussant le bateau loin du bord, je me mis à ramer, tandis qu'en face de moi, elle manœuvrait le gouvernail. La lune qui montait me montrait maintenant plus distinctement sa jolie figure, à la fois espiègle et hautaine, qu'encadraient les cheveux blonds annelés et où luisaient 2 yeux noirs, encore assombris par l'ombre portée des longs cils. À son corsage de soie écrue, un gros bouquet de cyclamen épanoui envoyait jusque vers moi sa pénétrante odeur analogue à celle du muguet. « Je voulais faire cette promenade depuis longtemps, » crut-elle devoir me dire en manière d'explication. « Mais ma tante a horreur de l'eau, et Miss Gray est une poule mouillée. Je me suis donc décidé à sortir seul, et sans cette misérable chaîne, je serais déjà loin. » Elle parlait le français très purement, avec un léger accent exotique, qui donnait à ses paroles une saveur plus piquante. Tout entier à mon admiration, je ne songeais pas à lui répondre, et je me contentais de ramer vigoureusement, de sorte que nous atteignîmes assez vite le milieu du lac. « Enfin, vous êtes venu à propos, » continua-t-elle, « mais vous n'avez pas perdu votre temps, et il est juste que je vous paye de votre peine. » Tout en causant, elle avait tiré de sa poche un mignon porte-monnaie dont je voyais reluire le chiffre d'argent, et elle allait y puiser quand je l'arrêtai du geste. « Merci, mademoiselle, je ne suis pas le batelier, et je me trouve suffisamment payé par le plaisir de vous accompagner dans cette promenade nocturne. » Elle releva vivement la tête, son front pur se plissa, et elle me toisa d'un air effarouché et irrité. « Et qui êtes-vous donc alors ? » demanda-t-elle avec hauteur. « Je suis un simple touriste, fort heureux de m'être trouvé là par hasard pour vous rendre service. » Elle se rasséréna un peu et se décida à sourire. « Ah, » reprit-elle, « en ce cas, je vous dois des excuses pour mon indiscrétion. J'ai commis une étourderie que mon institutrice, Miss Gray, qualifierait certainement d'impropre. Si vous le voulez bien, nous retournerons à Talloir. » Elle imprima au gouvernail un mouvement qui fit virer le bateau et je me remis à ramer, mais cette fois avec plus de lenteur. La lune, qui montait toujours, jetait un long rayon sur toute la largeur du lac. Les montagnes voilées d'une vapeur d'argent avaient un aspect féerique, et au loin, du côté de Doussard, un feu de pâtre allumé sur une crête nous envoyait sa rouge lueur. « Avez-vous été au Mont-Blanc ? » me demanda la jeune princesse, qui, rassurée sans doute sur ma manière d'être, jugea à propos de se montrer aimable et de rompre le silence. J'en arrive. J'ai regagné le lac d'Annecy par le col des Arabis, Tône et Tournette. Connaissiez-vous déjà notre lac? N'est-ce pas qu'il est adorable? Oui, surtout en ce moment. Il est beau à toute heure, répliqua-t-elle avec impétuosité. Il a des limpidités et des transparences bleues qui invitent à s'y plonger. Oh, l'eau, j'aime l'eau, s'écria-t-elle, en enfonçant avec délice l'un de ses bras dans le sillage argenté du bateau. Vous êtes peut-être une ondine, repartis-je en la regardant avec émerveillement. Je voudrais en être une. On dit qu'il y en a ici. Car vous savez que vous êtes sur un lac à légende. Vraiment? Oui. Les gens du pays prétendent qu'à cette même place où nous sommes, un village entier a été englouti sous l'eau. Parce que les habitants avaient refusé de donner l'hospitalité à une vieille mendiante qui était fée. Pendant les nuits de pleine lune, les coques du village submergées chantent au fond du lac et les cloches tintent comme pour la messe. Tenez, écoutez, n'entendez-vous pas comme un lointain carillon de cloche? Elle s'était penchée sur le bord du bateau et prêtait l'oreille, tout en riant et en faisant ruisseler entre ses doigts des gouttelettes qui scintillaient au clair de lune. Entendez-vous? Répéta-t-elle. Je m'étais rapproché. Nos deux têtes se touchaient presque et j'écoutais docilement. D'ailleurs, pour rester là, j'aurais cru y avouer tout ce qu'elle aurait voulu. Et de fait, il me semblait que j'entendais une vague et délicieuse musique. Peut-être était-ce tout bonnement les battements de mon cœur, car j'étais violemment ému auprès de cette jolie princesse à la taille souple, aux blonds cheveux et aux yeux ensorcelants. En outre, l'odeur grisante des cyclamènes me montait au cerveau. « Chut !» poursuivit-elle avec un air mystérieux, en mettant son doigt mouillé sur ses lèvres. « Voici la fée du lac qui nous appelle !» Dans le silence de la nuit, on entendait au loin les sons d'un cor, et par un singulier effet d'acoustique, cette lointaine fanfare semblait monter du fond de l'eau. « Eh bien non !» reprit-elle en éclatant de rire, à la vue de ma figure ébaubie, de mes yeux écarquillés et de mes lèvres entr'ouvertes. « Je crois décidément que ce n'est qu'un vulgaire cor de chasse. C'est vous, m'exclamai-je avec une amoureuse exaltation, c'est vous qui êtes la fée et qui prêtez au lac tous vos enchantements. De nouveau elle éclata de rire, et comme je m'étais remis à ramer, nous abordâmes bientôt près d'une vigne en pente. Par-delà les pampres frissonnants, une élégante villa découpée au clair de lune, sur la verdure, ses toits de tuiles avec deux pavillons en retour, unis par une loggia à l'italienne où grimpaient des chèvrefeuilles. Tout à coup, une forme noire se penchant à la balustrade de la loggia interpella la jeune fille. « Nadia, Nadia, voulez-vous bien rentrer? Vous allez attraper un rhume. » « C'est ma tante, » murmura Nadia. « Je ne sais si j'attraperai un rhume, mais pour sûr, j'attraperai une semonce. »« Merci, monsieur, et bonsoir. Chargez-vous d'amarrer le bateau. Puisque vous n'êtes pas le batelier, je ne puis vous payer le passage. Et pourtant, je voudrais bien acquitter ma dette. » Elle parut méditer un moment, puis brusquement elle détacha de son corsage le bouquet de cyclamène et me le lançant. « Adieu. Gardez ces fleurs en souvenir de la fée du lac. » Elle gravit la berge et disparut bientôt sous les platanes de la villa. Le lendemain matin, mes compagnons et moi nous repartions par le bateau d'Annecy et je n'ai plus revu la jolie princesse. Et me revoici après 25 ans au bord de ce lac enchanté. La villa dresse toujours dans les vignes ses pavillons aux toits de tuiles rouges et sa loggia couleur vert d'eau. Les cyclamènes ouvrent toujours à la marge des bois de sapin leurs fleurs roses embaumées. De jeunes touristes, vaillants et allègres, descendent encore, la chanson aux lèvres, les pans trabinés de la Tournette. Je suis retourné en bateau sur le lac, à l'endroit où a été submergé le village légendaire. Mais j'ai eu beau prêter l'oreille, je n'ai plus entendu tinter les cloches ni vibrer la voix de la fée. Je n'ai ouï sonner que ma 50aine, tandis que les notes mélancoliques des rainettes semblaient mener le deuil de ma jeunesse envolée et de mes compagnons de voyage disparus. Ainsi s'achève Fleur de cyclamène par André Theuriet.